C'est cet enfant blessé qui a appris la mère, qui la sait en multiples, qui la connaît par cœur, du bout du vent, du bout des doigts, de la main sur la joue à son profond de sexe, d'où sa miroir mêlé au ciel, lente à chanter en vagues lentes et en écume, tumultueuse à déchirer le roc. Tant silence qu'elle parle, tant fracas qu'elle fascine, complète femme, en retours éternels juste aux pieds de l'invite, en caresse de sel sur les pieds de la grève, en devenir sans fin depuis la nuit des temps. C'est de l'enfant blessé que saigne le silence, celui des mains ouvertes jusqu'au poing refermé. C'est cet enfant offert que l'on a tant trahi qu'il a appris la peur. Tu ressembles à la mère, solitude rompue au revers de la digue. Il faisait aube. J'allais marcher longtemps. Ce temps de vie où tout s'efface en s'éloignant du trop demain et des questions et des angoisses, où chaque chose vient à sa place comme en osmose, en terre à pied, en arbre à bras, senteur des herbes et des fleurs. Longtemps, longtemps, comme on espace chaque pas, venir en paix, venir en soi, cligner de l'œil au hérisson et frissonner du cri d'oiseau surpris matin dans la futaie. Un vent en biais, frais, promesse de beaux jours, l'espace-temps qui fait miroir, tout près du vrai, si près du beau, ne manquerait peut-être qu'à parler à quelqu'un et montrer de la main, partager sa semblance en toute différence, savoir la ressemblance, ce besoin tout le jour pour revenir au soir, quand au loin dans la mer le soleil ne ferait que céder à la nuit. Nous nous ferons des fêtes somptueuses, tu seras princesse, femme du monde, paysanne, tant tu ressembles à tous les mondes, tous les endroits, miroir, reflet, en bord de mer, au bout du champ, dans des palais ou des cantines, ici, ailleurs, dans notre monde. Et tout au bout de tant de valses, tant de rencontres, tant de vertiges, nous nous ferons notre meilleur, serrés, au calme, à notre goût, à notre choix, en paix de tout, se murmurer, se caresser et s'endormir tout enlevé. J'ai ramené d'une île, sans le savoir vraiment, au fond de ma chaussure, un tout petit caillou. À la force des pas, il me faisait des signes, comme un rappel à moi, juste au point imprécis à trouer la chaussette. Alors j'ai déchaussé et j'ai marché sur terre. Je l'ai pris dans ma main, je l'ai mis dans ma poche, et je le serre fort, pour ne pas oublier l'essentiel de l'histoire. Attends le caresser. Je voudrais être ce quelqu'un qui marche sur le sable et qui regarde au loin, monde à lui, main ouverte, l'envie simple d'être heureux, la permanence des marées, savoir que si l'on meurt, on redevient du sel, de l'écume ou du vent, mais ici, à regarder quelqu'un qui marche dans les vagues. L'automne tarde, Guillaume, et je ne suis pas mort. Il s'enfuit de si peu. Je laisserai le temps faire ses galipettes, quelques guerres ici, ailleurs, au rebord d'autres mers. Une femme bruyère m'ôtera le bandeau tout autour de la tête. Guillaume, je ne saigne de rien, juste casser mon rêve. Nul ne passe en ce chemin, je ne cueillerai pas. J'irai un peu plus loin, là. Je vais rester dès lors aux alentours de moi à m'enrouler de doux ce que je fais de mieux. Qui sait, un peu parler d'amour, laisser au plus près, au profond, quelques mots inutiles qui n'auraient d'intérêt qu'à encombrer les autres, lisser les mots, me faire vent sans la mémoire et ne laisser personne traverser le miroir. Vous dessiner un monde où il fait bon rêver et accomplir ses rêves, inventer l'avenir, élider les murmures, voleter à bout d'aile, alentour. Tous les chemins de lune qui mènent jusqu'au ciel, une à une, les marches, la porte que l'on pousse, et tous ces bras derrière, qui vous prennent les yeux et vous serrent si fort. Un peu plus loin, la mer, ensorcelée de fleurs. Le nouveau qui restait, qu'il demeurait à vivre, n'est plus entre mes mains. Ces deux rêves de vie, inédits, les seuls qui vaillent vivre, tout le reste qui fut incomplet méritait toutefois qu'on fasse le détour, s'éloignerait un peu pour peu que je renonce. Le temps fera le reste et la santé s'il faut. Juste le mériter, ne jamais faire sans qu'on le peut avec. Enjamber les ornières qui faussent le chemin, aller plus loin, demeurer combattant plutôt que combattu. Qu'un toc merveille est-il écrit au bout de l'île, entre phare et les croix qui sont les mains du vent. Qu'un toc merveille, oui. Il ne faisait que frais de ces matins mystères où tout se va sans teint. Quelques oiseaux plus loin jouaient aux coquillages ou dormaient tête en aile au rebord de la vague. À marcher tant si loin jusqu'au rocher du vent, on se fait une histoire, on s'invente des rêves et le plaisir respire. Peut-être le sourire viendra faire un baiser, quelques traces de pas sur le sable mouillé.